الرحيم ذكر طرف من ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه عليه تنبيها بالبعض على الكل. Donc là dans ce passage il cite les éloges des gens de sa génération et de la génération d'en dessous parmi ses élèves. Donc parmi les passages que j'ai sélectionnés, قال عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا. وسئل عن حديث وقيل له إن البخاري صححه فقال محمد بن إسماعيل أبصر مني وهو أكيس خلق الله عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من حرام. Donc là il a cité une parole de l'imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala qui disait: j'ai vu les savants dans les deux villes sacrées ainsi que dans le Hijaz, au Sham, c'est-à-dire la région de la Syrie, et en Irak, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi complet que Muhammad ibn Ismail. Et il a dit aussi: c'est le plus savant d'entre nous, le plus faqih, et celui qui a le plus étudié parmi nous. Et une fois on lui a demandé à Ad-Darimi à propos d'un hadith, et on lui a dit que l'imam al-Bukhari l'avait authentifié. Alors il a répondu: al-Bukhari est plus savant et plus clairvoyant que nous, et il est la plus akiyasu khalqillah, c'est-à-dire la plus savante ou la plus intelligente des créatures d'Allah. Il a compris ce qu'Allah a ordonné et ce qu'Allah a interdit dans son livre ou par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lit le Coran, c'est-à-dire al-Bukhari, ça c'est Ad-Darimi toujours qui parle d'al-Bukhari, quand il lit le Coran remplit son cœur, son regard et son ouïe, et il médite sur les métaphores du Coran, et il connaît le halal du haram, il distingue le licite de l'illicite qui est dans le Coran. وقال صالح ابن محمد جزارة ما رأيت خراسانيا أفهم من محمد بن إسماعيل. وقال أيضا كان أحفظه من الحديث وكنت أستملي له ببغداد فبلغ من حضر مجلس 20,000. Donc un autre homme, Salih ibn Muhammad Jazara, disait: je n'ai pas vu quelqu'un du Khorasan qui a une meilleure compréhension que Muhammad ibn Ismail, et c'était celui d'entre eux qui connaissait le plus et qui mémorisait le plus le hadith. Et je lisais pour lui dans la ville de Bagdad, c'est-à-dire c'est lui qui lisait les hadiths pour l'imam al-Bukhari dans la ville de Bagdad, et ceux qui étaient présents atteignaient le nombre de 20 000 personnes. Donc imaginez-vous à l'époque 20 000 personnes qui assistent à l'assise de dictée du hadith de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Wa su'il al-hafidh Abu al-Abbas al-Fadl ibn al-Abbas al-ma'ruf bi fadl karrazi ayyuma ahfadhu محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة فقال لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد قال فرجعت معه مرحلة وجهدت كل الجهد على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني وها أنا ذا أغرب على أبي زرعة عدد شعر رأسه. Ça c'est un autre محدث. Donc Abu al-Abbas al-Fadl ibn al-Abbas, on lui a posé la question: qui est celui qui connaît le plus de hadith? Est-ce que c'est Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ou Abu Zur'a? Donc en référence à Abu Zur'a al-Razi, un des grands imams du hadith. Coupe vite s'il te plaît. C'est enregistré contre toi. Je rigole. Donc on lui a posé la question: qui est celui qui mémorise le plus? Est-ce que c'est Al-Bukhari ou Abu Zur'a al-Razi? Abu Zur'a al-Razi qui est également un des imams du hadith. Et il a répondu: je n'avais jamais rencontré Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, et un jour il m'a accueilli entre la ville de Halawan et Bagdad, et je suis revenu avec lui la distance d'une étape, et j'ai fait tous les efforts possibles pour lui citer un hadith qu'il ne connaissait pas, et je n'ai jamais réussi. Alors que Abu Zur'a, je lui ai dit des hadiths aussi nombreux que les cheveux qu'il y a sur sa tête qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire pour montrer que le Bukhari était loin en fait devant Abu Zur'a. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن إسحاق ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل وقال أبو عيسى الترمذي لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري وقال له مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. Donc ce passage, je l'ai cité parce que il comporte des noms de savants que vous connaissez tous. Donc par exemple, Ibn Khuzaima, l'imam, qui a dit « Il n'y a pas sous le ciel quelqu'un de plus savant dans le hadith que Muhammad ibn Ismail. » L'imam At-Tirmidhi lui disait « Je n'ai pas vu quelqu'un qui connaissait mieux les ilal. » Les ilal, c'est le pluriel du mot « illa » qui signifie, entre guillemets, les défauts qu'il y a dans les hadiths, qui font qu'ils ne soient pas authentiques. Donc qui connaît mieux les ilal et les chaînes de transmission que Muhammad ibn Ismail. Et l'imam Muslim, rahimahullah, disait « Je témoigne qu'il n'y a personne qui t'est semblable dans cette vie d'ici-bas. » Donc il disait ça à l'imam al-Bukhari. « Wa qala Abu Amr al-Khaffaf, haddathana al-Taqi al-Naqi, al-Alim al-Ladhi lam ara mithlahu, Muhammad ibn Ismail. Qala wa huwa a'lamu bil-Hadithi, min Ahmad wa Ishaq wa ghayrihima, bi-20 daraja. Wa man qala fihi shay'an, fa'alayhi minni alf la'na. » وقال أيضا لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا. Donc un autre muhaddith, Abu Amr al-Khaffaf, disait, quand il citait un hadith de l'imam al-Bukhari, il disait le taqi, c'est-à-dire le pur, le pieux, le savant, celui qui n'a aucun semblable, nous a raconté. Et là il commençait la chaîne de transmission. Et il disait également l'imam al-Bukhari est plus savant dans le hadith que Ahmed, c'est-à-dire que l'imam Ahmed et que l'imam Ishaq et que les autres, de 20 degrés. Et celui qui dit quelque chose sur lui, il a 1000 malédictions de ma part. Et il disait aussi, s'il rentre par cette porte, je serai rempli de crainte. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les autres chouyours qui ont cité cette parole, il serait rempli de crainte, c'est-à-dire il aurait peur de se tromper en présence de l'imam al-Bukhari. Ensuite Ibn Hajar il a dit en conclusion, il a dit لو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له. Il a dit si je commençais à citer toutes les éloges de ceux qui sont venus après l'imam Bukhari, il dit le livre il serait épuisé parce que c'est une mer qui n'a pas de bord, c'est-à-dire c'est un océan, c'est quelque chose. Toutes les paroles des savants sur l'imam al-Bukhari, elles sont innombrables. Ensuite, il a dit ذكر جمل من الأخبار الشاهدة لساعة حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل سوى ما تقدم. Dans ce passage, il a fait mention de certaines histoires qui montrent la grande mémoire de l'imam al-Bukhari et sa connaissance des ilal, c'est-à-dire des détails et des défauts qu'il y a dans les chaînes de transmission. Donc il a dit premièrement, قال أحمد بن عدي الحافظ سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه. Donc il dit, il rapporte de Ahmed ibn Adi al-Hafidh qui a dit, j'ai entendu plusieurs chouyoukhs à Bagdad raconter que lorsque Mohammed ibn Ismail est venu dans la ville de Bagdad, quand les gens du hadith ont entendu qu'il allait venir, ils se sont dit qu'ils allaient mettre à l'épreuve la mémoire de l'imam al-Bukhari. فعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس لكل رجل 10 أحاديث وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري. Donc les gens du hadith dans la ville de Bagdad, ils se sont mis d'accord pour prendre 100 hadiths et ils ont mélangé les textes du hadith al-mutun, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée au bout de la chaîne de transmission, et la chaîne de transmission. Donc par exemple, si cette chaîne elle mène à tel texte, ils prennent une autre chaîne et ils la mettent à ce texte. Ils ont mélangé les chaînes de transmission avec les textes de ces 100 hadiths et ils les ont dispersés, distribués à 10 hommes. Chaque homme, il a 10 hadiths. Donc, entre guillemets, des hadiths qui sont mélangés. la chaîne de transmission, c'est jamais la bonne pour le texte. وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. Donc ils ont pris rendez-vous avec le Bukhari et il y a beaucoup de gens de la région du Khorasan et de Bagdad et des étrangers qui sont venus assister à ce rendez-vous. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ والبخاري يقول لا أعرفه وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كان لا يدري القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. Donc ils ont commencé, donc les 10 ils étaient assis, l'imam al-Bukhari il est devant et tout le monde regarde, tout le public est présent. Donc le premier il a commencé, il a dit son hadith, le premier, et quand il a fini son hadith, l'imam al-Bukhari il a dit je ne le connais pas. Et ainsi de suite, il citait à chaque fois les hadiths, et à chaque fois qu'il finit un hadith, l'imam al-Bukhari il dit je ne le connais pas. Donc les ulama qui étaient présents dans le public, ils se regardaient les uns les autres et ils se disaient ça y est, il a compris. Il a compris, entre guillemets, le piège ou ce qu'ils sont en train de lui faire. Et ceux qui ne connaissaient pas tout ça, ils se disaient, ben en fait, l'imam Bukhari, il ne connaît pas. Il est incapable, il n'a pas une grande mémorisation. Ceux qui n'avaient pas compris l'histoire. ثُمَّنْ تَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْعَشَرَةِ أَيْضًا فَسَأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ تِلْكَ الْأَحَدِيثِ الْمَقْلُوبَةِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَسَأَلَهُ عَنْ آخَرَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلْقِي عَلَيْهِ وَاحِدًا وَاحِدًا حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. Donc ils ont fait ainsi de suite avec les 10 et avec les 100 hadiths, et à chaque hadith l'imam al-Bukhari il dit rien d'autre que لا أعرفه, je ne connais pas ce hadith. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل قلت يعني الحافظ ابن حجر هنا يخضع للبخاري فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقاه عليه من مرة واحدة. Donc l'histoire elle est connue. Quand ils ont tous fini, il a commencé par le premier et il lui a dit tu as dit comme ça, donc il lui répète tel que l'homme l'a dit, et il lui dit et en vérité c'est comme ça, et il lui dit la vraie version. Et pour son deuxième hadith, et pour son troisième, c'est 10 hadiths, et il a fait pareil avec les 100. Et donc là, ils ont tous reconnu qu'il avait de la mémoire et sa force dans le hadith. Mais Ibn Hajar, quand il commente cette histoire, il dit, le fait qu'il connaisse ces 100 hadiths, c'est pas quelque chose d'étonnant, puisque c'est un hafir. À cette époque, il connaissait les gens 50 000, 100 000 hadiths. Donc le fait que les 100 hadiths, il les connaisse, ça c'est pas étonnant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que l'homme il dit avec l'erreur, lui il a retenu l'erreur, parce qu'à la fin il leur a dit tu l'as cité comme ça, et en fait il est comme ça. Donc il a cité la façon dont eux l'ont dit avec l'erreur, et il l'avait retenu sur le moment dans 100 versions sans se mélanger dans les 100 hadiths. وقال أبو الأزهر كان بسمرقند 400 محدثين فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد العراق في إسناد الشام وإسناد الحرم في إسناد اليمن فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. La même histoire elle est arrivée à Samarkand. Donc Samarkand c'est une autre ville en Ouzbékistan qui est connue jusqu'à nos jours comme Bukhara. Donc il a raconté, Abul Azhar, rahimahullah, il a dit, dans la ville de Samarkand, il y avait 400 muhaddith, 400 savants du hadith. Et ils se sont regroupés, et ils se sont dit, on va essayer de se faire tromper, de faire que l'imam al-Bukhari se trompe. On va essayer de le faire tomber dans l'erreur. Et donc ils ont commencé à lui citer plein de hadiths. Et si le hadith il était rapporté par les gens de Syrie, il lui mettait un isned d'Irakien. Si le hadith il était du Yémen, il lui mettait une chaîne de transmission composée des gens de Médine par exemple. Donc ils ont tout mélangé. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à lui faire faire un seul oubli, ni une seule faute d'attention. Donc il avait tout mémorisé et il connaissait tout. وقال يوسف بن موسى المروزي كنت بالبصرة في جامعها إذ سمعت مناديا ينادي يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري فقاموا إليه وكنت معهم فرأينا رجلا شابا ليس في لحيته بياض فصلى خلف الأسطوانة فلما فرغ أحدق به وسألوه أن يعقد لهم مجلسا للإملاء فأجابهم إلى ذلك فقام المنادي ثانيا في جامع البصرة فقال يا أهل العلم لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء فأجاب أن يجلس غدا في موضع كذا. يوسف بن موسى المروزي رحمه الله raconte, il dit j'étais dans la ville de Basra, dans le jami', c'est-à-dire dans la grande mosquée, la mosquée principale de la ville de Al-Basra. Et j'ai entendu un appeleur. C'est-à-dire, à l'époque, c'est comme ça qu'il faisait passer des messages. Quelqu'un, il appelait, il criait un message. Il dit donc, j'ai entendu Al-Munadi, celui qui fait l'appel, crier, ô vous les gens de science, Mohammed ibn Ismail est venu, alors venez. Faqamu ilay. Non, il a dit plutôt Faqamu ilay, c'est-à-dire ensuite, les gens sont venus. Al-Munadi, il a crié, ô vous les gens de science, il leur a informé de la venue dans la ville de Mohammed ibn Ismail. Donc lui, il dit, les gens, ils se sont levés, ils sont venus. Et dit, j'étais parmi les gens, et quand on est arrivé, on a vu un homme jeune, qui n'avait même pas un poil blanc dans sa barbe. Donc il a prié deux rak'a, tout le monde s'est regroupé autour de lui, et ils lui ont demandé de faire une assise de dictée de hadith. Donc il leur a autorisé, il leur a donné un rendez-vous. Et donc celui qui criait, il a crié une deuxième fois, et il a dit, ô vous les gens du hadith, nous avons demandé une assise de dictée à Mohammed ibn Ismail, et il nous a donné rendez-vous à tel endroit, à tel moment. فلما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظار حتى اجتمع قريب من كذا وكذا ألف نفس فجلس أبو عبد الله للإملاء. Donc le lendemain, à l'heure du rendez-vous, tous les savants du fiqh, les savants du hadith, les intellectuels, ils sont tous venus au rendez-vous donc de ce fameux Mohammed ibn Ismail. Et il y avait, donc il raconte, il dit, il y avait autant de milliers, donc c'était en plusieurs milliers de personnes. Ceux qui étaient présents, ils se comptaient par milliers. Et Mohammed ibn Ismail a pris la parole et il a commencé à dicter les hadiths. Et c'est là que, ce qui est surprenant, il va arriver dans l'histoire. فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْإِمْلَى يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَنَا شَابٌ وَقَدْ سَأَلْتُمُونِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونها عني يعني ليست عندكم قال فتعجب الناس من قوله فأخذ في الإملاء. Donc avant de commencer à dicter les hadiths, il a dit, ô vous les gens de Basra, je ne suis qu'un jeune et vous m'avez demandé de vous faire une assise de dictée de hadiths, et je vais vous citer des hadiths des gens de votre pays que vous allez apprendre de moi, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Et les gens, ils se sont étonnés. C'est-à-dire, comment, il vient de l'étranger et c'est lui qui va nous apprendre des hadiths des chouyours de notre ville. فَسَاقَ حَدِيثًا يعني هنا ابن حجر ذكره بتمامه فَسَاقَ حَدِيثًا ثُمَّ قَالْ هَذَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ عَنْ مَنْصُورْ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكُمْ عَنْ غَيْرِ مَنْصُورْ. Ensuite, il leur a cité un hadith et il leur a dit, vous, les gens de Basra, ce hadith, vous ne le connaissez pas de rapporté par Mansour. C'est-à-dire, dans la chaîne de transmission, il y a Mansour. Mansour, c'était un contemporain de Al-A'mash. C'est-à-dire, ils sont souvent cités ensemble. Un grand muhaddith. Il lui a dit, ce hadith, vous, il ne vous est pas venu par Mansour. C'est-à-dire, il leur a cité par une autre voie que celle que eux, ils connaissaient. قال يوسف بن موسى فأملى عليهم مجلسا من هذا النسق يقول في كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم كذا فاما من روايه فلان يعني التي يسوقها فليست عندكم. Donc il a fait toute une assise dans ce genre en leur disant à chaque hadith, il leur cite un hadith, il leur dit, vous, ce hadith, vous le connaissez avec telle voie de transmission, et moi je vous le raconte avec telle voie, et il sort une autre voie de transmission que eux ne connaissent pas. Donc là, il a rempli sa parole qu'il avait dit au début de l'assise. وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن إسماعيل لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البخاري une fois il a dit à ses élèves, quand je rapporte un hadith des sahaba et des tabi'in, je connais leur date de naissance, leur date de mort et l'endroit où ils vivaient de la plupart d'entre eux. C'est-à-dire les gens qui sont dans la chaîne de transmission, il a leur connaissance de leur vie et de leur mort. Parce qu'il faut savoir que al-wafayat, c'est-à-dire les dates de naissance et les dates de décès, ça c'est une science parmi les sciences du hadith. Ça rentre dans imur rijal, c'est-à-dire dans la science de connaissance, de la connaissance des rapporteurs du hadith, parce que c'est important pour savoir qui a pu rapporter de qui ou qui n'a pas pu rapporter de qui. Il dit, et je ne ramène aucun hadith ou aucune parole des compagnons ou des tabi'in sans qu'elle n'ait une base, c'est-à-dire quelque chose qui l'appuie dans le Coran et dans la Sunna que je mémorise. C'est-à-dire tout ce que je vous rapporte comme fatawa ou comme parole des sahaba ou des tabi'in, ça a quelque chose, une source et quelque chose qui le confirme dans le Coran et dans la Sunna, et je connais ça. C'est-à-dire ça montre son fiqh. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas seulement les afar, mais il connaît leur wajj, c'est-à-dire leur signification et ce qui est semblable à ces afar, à ces fatawa dans le reste des textes. Bon, on va s'arrêter là parce que ma gorge ne me permet plus. Donc on finira la fois prochaine. Donc dimanche prochain après la Rassa, il ne restait pas grand chose. Donc la fois prochaine, on finira ce passage. Ensuite, il y a un passage sur le livre du Sahih, c'est-à-dire quelle est la place et la valeur du Sahih de l'imam al-Bukhari. Et ensuite aussi, l'histoire de l'imam al-Bukhari et de son histoire avec l'imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhali. Donc ils ont eu un conflit entre eux qui a causé beaucoup de mal. À l'imam al-Bukhari qui a été accusé alors qu'il était innocent. Il a été accusé de bid'a alors qu'il était innocent. Donc ça c'est sa mihna. À chaque fois qu'on a vu une biographie, on a fait l'imam Malik, al-Shafi'i, al-Khatib al-Baghdadi, à chaque fois on a vu qu'ils ont subi une grosse épreuve. Et l'imam Malik également, il a son épreuve qu'on va voir par la suite. L'imam al-Bukhari, barakallahu fikoum. Et ensuite, on va voir la fin de sa vie, quand il est rentré dans la ville de Bukhara, et la dernière épreuve qu'il a eue également là-bas, et sa mort, rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi.